de merde. Quand on s'emmerde, on se démerde pour ne plus s'emmerder. Dans cette merde, quand on s'emmerde, on se démerde pour ne plus s'emmerder. Regardez de plus près comme c'est beau. C'est la tour de Babel, mais en plus haut. On a des vies d'ordures, dernier modèle. C'est solide, efficace et fonctionnel. Ça nous donne une qualité de vie qu'on ne trouve pas ailleurs à notre avis. Mais dans ce HLM, on a quand même des petits problèmes. On est moins que rien, on est moins qu'un chien. Y'a pas moyen de s'éclater, de s'éclater. Il paraît qu'avant y'avait des moutons. Quel progrès depuis qu'il y a du béton. Et que c'est bon d'entendre le voisin allumer sa radio chaque matin. Puisqu'on vous dit que c'est le paradis, venez vous voir et vous serez conquis. Un chien qui peut courir.